Les matelots du bateau bâton pavillon russe Professeur Floustin ont tenu le 23 juillet au port de Nampo un rassemblement de célébration à l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire de la Corée dans la guerre de libération de la patrie. Les orateurs ont dit notamment « Le monde entier admire infiniment le grand camarade Kim Il-sung, éminent leader, qui a conduit à la victoire la dernière guerre de Corée pour défendre le pays et édifier le socialisme axé sur les masses populaires. » Les participants ont adopté une lettre à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.